Bon Dieu qu'elle a et puis moi l'amour qui fait moins qu'on ça. Moi comprends que j'en ouye. Rêve si c'est largué. Bon Dieu qu'elle a et puis moi l'amour qui fait moins qu'on ça. Moi comprends que j'en ouye. Rêve si c'est largué. C'est là où t'as parlé.